Tonton Camille à la programmation ce soir. On se souvient, il y a 11 ans, nous revisitons ensemble l'année 2013. Things do move like sound, waves do move like round. It don't go up and down, a spread circle bound. Running like a hound, ha, look at what I found. Where they threw me down, where they threw me down. On ten, we're on. There's an opening ceremony and we all start the same. Cells grew to cell phones, some form cells. Some get put in cells, sex fucking cells. No, you know the drill, so hear me sound the bell. My words are my armor, and you're about to meet your karma. C'était l'une des merveilles de 2013, l'inoxydable J-Paul, avec ses sons tout barrés, tout collés, tout serrés. Straight, Ota, Mumbai. I can make you feel. Sophie a collaboré avec Madonna, Vince Staples ou Fume. Elle s'était fait connaître en 2013 avec ce sublime Bip. Et aujourd'hui, après sa disparition brutale en janvier 2021, eh bien oui, elle nous manque terriblement. Spécial 2013. Vous êtes dans la nuit des temps sur Radio Duo. I'm so bossy, bitch, get off me. It's a different jingle when you hear these car keys. Your SL's missing an S, nigga. Your plane's missing a chef. The common theme, see they both got wings. If you fly, do it to death. It's only one God and it's only one crown. So it's only one king that can stand on this mound. King push, kingpin, overlord. Coast Guard, come a hundred, going overboard. I got money with the best of them. Go blow for blow with any Mexican. Don't let your side bitches settle in. Might have to head, but you ever land. Ballers, I put numbers on the boards. Hard to get a handle on this double-edged sword. Whether rapping or I'm rapping to a whore, might reach back and relapse to wrapping up this raw. Givenchy fitting like his gym clothes. We really gym stars. I'm like D-Rose, no D-League. I'm like these clothes. 88 Jordan leaping from the free throw. Ballers, I put numbers on the boards. Ballers, I put numbers on the boards. Motherfuckers can't rhyme no more, about crime no more. Mix drug and show money, Biggs Burke on tour. 25 bricks, move work like chore. Hit Delaware twice, needed 25 more. I see flaw, cracks in your diamond. CB4, when you rhyme, Simple Simon. Come and meet the pieman, a must that I flaunted. The legend grows legs when it comes back to haunt us. Ballers, I put numbers on the boards. Can't a bitch live and say I bought a Michael Kors. Every car driven was decided by the horse. Keep the sticker in the window case you wondered what it costs. How could you relate when you ain't never been great? And rely on rap money to keep food upon your plates, nigga. I might sell a brick on my birthday. 36 years of doing dirt like it's Earth Day. God. Y'all feel like that? Y'all feel like that? Ballers, I put numbers on the boards. Y'all feel like that? Téléchargez le prénom de votre enfant. Je ne sais plus. Il y a des bruits bizarres dans la cuisine, au niveau des portes, des placards et de la machine. Il n'y a personne dehors. Et dans le jardin, typiquement un bruit qu'on ignore, probablement un chien. Maintenant c'est au grenier que j'entends des pas. Il faut aller vérifier qu'on ne nous cambriole pas. Non il n'y a rien, non il n'y a rien. Nous devenons fous mais nous voyons bien qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Pourtant ça bouge des coussins. Non il n'y a rien, non il n'y a rien. Nous devenons fous mais nous voyons bien qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Pourtant ça bouge près des coussins. La nuit des temps

Paris, Biarritz, Psycho, Tropico, Tropico, Berlin, et puis Ellie aussi. Ellie et Jacquenot. Le Velvet, bien sûr, Kraftwerk, la fin du monde. La fin du monde en 2023. Mais nous sommes en 2013. Et c'était, vous allez rire, c'était un peu l'année de la femme. La nuit des temps, l'international de la danse. Je veux rentrer chez moi 2023. allait mourir. Je dis la vérité. La vérité. 2023. Thank you. La nuit des temps, Radio Duo. Nous sommes en 2013. We'll be right back. You tell me all the things that you wish to be independent. Sometimes you're just so hard to reach. I'll just turn around, I never want to see you again. Hard decision, but I hate to think that you're just a friend. You tell me all the things that you wish to be independent. Sometimes you're just so hard to reach. I'll just turn around, I never want to see you again. Hard decision, but I hate to think that you're just a friend. On peut trouver son lien sur LinkedIn. Nico Ormiston. Il travaillait à l'Apollo Studio à Montréal. Il était même au 136 Avenue Saint-Paul East. Chouette studio, chouette taf. Et en plus, le son de Beverley, c'était un peu lui. Tout ça, c'était en 2013. Et ça tombe bien. C'est l'année ce soir qui agite les ondes libres et sauvages de Radio Duo. Encore une étoile filante de la dance, une étoile comme on les aime. Cette fois, elle brillait aux Pays-Bas, à Amsterdam. Copy Club, dance, et tout est dit. Ryan Lott, c'est Son Lux. Mais Ryan Lott, ce sont aussi des musiques de films, comme en 2023 le fantastique Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Ou encore des collaborations avec David Byrne, et même des musiques pour des ballets de danse contemporaines. Mais 2013, c'était vraiment l'explosion de Son Lux avec l'album Lanterns qui quittera les rives de Los Angeles pour tourner cette fois dans le monde entier. Il est pile 22h et c'est déjà l'heure de refermer non seulement les portes de notre bon vieux club, mais aussi celle de l'année 2013. Et ce soir, Tonton Camille est invité sur notre dance floor Sexy Sushi Rebecca Warrior, qui non seulement refuse de travailler, mais aussi entend des pommes rouler sous le plafond et se mettre à table dans un univers décidément complètement disloqué. On a également croisé le son de Mia. Allô Mia, qu'es-tu devenu ? Et le génial J. Paul, avec ses collages soniques, exotiques et foufou. Sophie aussi, qui nous manque, car ses productions étaient tellement plus amples que l'étiquette hyper-pop qui lui collait au basque. Panda Beer, les Daft Punk, pour rien de moins que l'un des plus grands titres du début des années 2000. Il y avait la femme aussi, parce qu'il est toujours l'heure de se réveiller. Toulouse et son hypnolove, Disclosure, So 2013. Nico Ormiston et son Beverley, Copy Club 104, et Sunlux qu'on vient d'entendre et dont on me dit que justement Tonton Camille les avait vus à l'époque du côté de Dijon en concert. Ben ça c'est son petit côté proustien, Tonton Camille. Dans quelques instants, un ou deux bonus surprises, dont le merveilleux Beautiful de Mariah Carey, qu'on croirait sorti directement d'une usine à soul comme la Motown, et qui nous ravit depuis que l'on prépare cette émission. C'était la nuit des temps 2013. Un programme fait de bips et d'étoiles. Les étoiles de Saint-Étienne. Des étoiles qui apparaissent et disparaissent, un peu comme le formidable programme qui suit tous les deuxièmes jeudis du mois, comme à la radio. Et Daniel qui branche tous ces fils étranges et mystérieux. Alors pour rejoindre les étoiles, restez bien branchés sur le son de duo ce soir. Étoiles et Rome, buona notte, salut! Like that, your jeans so tight.